Jettatura par Jacques Cézanne. Vous ne croyez pas, dit Monsieur de Pressigny, que certaines personnes soient douées du pouvoir de porter malheur à ceux qui les entourent. En Italie, on redoute fort ces innocents sorciers que l'on appelle des Jettatore. Sceptique, Monsieur de Folembray répliqua. Excusez-moi, cher ami, mais je considère toutes ces choses un peu comme des calembres d'Aisne. La Rochefoucauld disait du véritable amour en le comparant à l'apparition des esprits. Tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. Je crois que c'est une formule qui peut s'appliquer à vos jeteurs de sorts. Citez-moi un cas, un seul, mais authentique, de Jettatura. La malicieuse petite madame Sorbier de Beaucite intervint dans le débat. J'en aurais peut-être un à vous offrir. Vous avez bien connu, n'est-ce pas, Léon Chabrier? C'était un charmant garçon, très doux, et qui ne possédait aucune espèce de personnalité. Il avait fait de moi sa confidente et n'aurait rien risqué dans la vie sans venir me demander conseil. Un jour, il me déclara « Mes parents se sont mis en tête de me faire épouser une jeune veuve qui est, d'ailleurs, fort bien. Mais c'est parfait. Attendez, elle est deux fois veuve. Ah, vous voyez bien. Vous ne trouvez plus que c'est aussi parfait. Avouez-le, mon ami. » Et comme j'esquissais un geste vague de protestation, il interrogea. « C'est un peu ridicule, n'est-ce pas ? Mais non. Et un peu inquiétant aussi. » « Oh, Chabrier, mon ami, vous exagérez. Je ne suppose pas que vos parents aient l'intention de vous faire épouser une madame Barbe Bleue tout de même. »« Non, évidemment non. Et ce n'est pas cela que je veux dire. D'ailleurs, je me suis renseigné, le premier mari est mort d'une fièvre typhoïde. Et le second ? Le second d'une chute de cheval. Je constatais une maladie et un accident. Ce sont des cas absolument fortuits. Oui, n'est-ce pas ? C'est ce que je me suis dit. Mais... » Il baissa la voix, bien que nous fussions seuls. « Vous ne croyez pas à la Jettatura ?»« À la Jettatura ?»« Oui, au mauvais œil. » J'éclatai de rire. « Merci, Chabrier, j'avais compris. Mais c'est votre question qui m'étonnait aussi, venant d'un homme sérieux. Pour cela, non, je ne crois ni au revenant, ni à la double vue, ni au jeteur de sorts. » Il sembla soulagé. Il respira comme s'il était débarrassé d'un poids qui lui oppressait la poitrine. « Vous savez, c'est que j'ai la plus grande confiance en vous. » Alors, mon petit Chabrier, un bon conseil, épousez cette charmante veuve, si elle vous plaît. Ayez beaucoup d'enfants et soyez heureux. Peu de temps après, il revint me trouver. Voilà, je suis fiancé. Mais je viens d'apprendre quelque chose de bien ennuyeux. Oui, de bien ennuyeux. Imaginez-vous que, toute jeune, elle a échappé à un terrible accident de chemin de fer où son père et sa mère ont trouvé la mort. Cela prouve simplement qu'elle a eu de la chance. Vous trouvez? Mais oui. Bien vrai, sans arrière-pensée. « Mais oui, voyons, vous êtes extraordinaire. » À part moi, je commence à me dire qu'il y avait eu beaucoup d'accidents dans l'entourage de cette jeune personne, et que s'il ne s'agissait là que de simples coïncidences, elles se reproduisaient néanmoins avec une persistance assez fâcheuse. Une fois encore, cependant, mon assurance fit impression sur Chabrier. Il m'écouta, comme toujours, il se maria. Tout, d'abord, alla pour le mieux. La charmante Madame Chabrier semblait reporter sur son nouvel époux les trésors de tendresse que deux veuvages prématurés ne lui avaient pas permis d'épuiser. Cependant, peu à peu, le caractère de Chabrier parut s'altérer. Le pauvre garçon devenait sombre et préoccupé. Il me confia bientôt son secret, comme il m'avait confié les autres. Chacun des deux premiers ménages de sa femme n'ayant eu que 3 années d'existence, il commença à se dire qu'il n'y avait aucune raison sérieuse pour que le troisième durât davantage. Et cela tournait chez lui à l'idée fixe. Il s'était marié en mai 1909. Au printemps de 1912, Madame Chabrier vint s'installer à Compiègne. Il aurait voulu, lui, aller à Fontainebleau, mais il s'inclina devant le désir de sa femme. Le 23 juillet, le temps, qui avait été superbe toute la journée, se gâta brusquement. Vers 6 heures du soir, un orage d'une violence extrême éclata dans la région. Chabrier, qui n'avait pas trouvé son auto en arrivant à la gare, Madame s'en était servie pour aller prendre le thé aux environs, partit bravement à travers champs. Mais il n'alla pas loin. De véritables trombes d'eau s'abattaient sur la campagne, noyant les sentiers et les prés. Il dut se réfugier sous un arbre. Soudain, un éclair plus aveuglant que les autres fendit la nue, et Chabrier s'abattit, foudroyé. Est-ce un cas de Jettatura, mon cher Folembray? Certes. Il ne faut pas accuser inconsidérément votre épouse si le feu du ciel vous fait passer de bille à trépas. Mais veuillez remarquer qu'à Fontainebleau, où le pauvre garçon aurait voulu passer ses vacances, il n'y eut pas, que je sache, d'orage ce jour-là. Notez encore que si son auto ne lui eût pas été pris si mal à propos, Chabrier serait rentré sans doute indemne chez lui. Monsieur de Folembray faisait des ronds sur la fumée de son cigare. Madame Sorbier lui demanda « Écoutez, mon cher ami, Madame Veuve Chabrier est encore jeune et jolie. Elle est fort riche, ayant hérité successivement de son père, de sa mère et de ses trois maris. Je ne connais pas de femme plus comme il faut, plus sérieuse et plus distinguée. L'épouseriez-vous ?» Monsieur de Folembray, sans répondre, fit signe que non. « Mais elle n'a aucune raison, somme toute, de ne pas faire votre bonheur, puisque la Gettatura n'est qu'une calambre d'aine. Ah, tenez, vous êtes tous les mêmes. Et c'est nous, pauvres femmes, que vous taxez d'illogisme dans la vie. » C'était Gettatura par Jacques Cézanne.